Nous continuons notre couverture du Sénégal à l'aube des élections présidentielles. Donc, rappelons-le, la semaine dernière, des manifestations ont été organisées un peu partout dans le pays pour dénoncer l'acceptation par le Conseil constitutionnel de la candidature de l'actuel président Abdoulaye Wade aux élections présidentielles du 26 février prochain. Et dimanche, le 5 février, le coup d'envoi de la campagne électorale a été donné. Alors, pour mieux comprendre les tenants et les aboutissants de la situation dans laquelle cette campagne s'inscrit, nous joignons le politologue et militant et fréquent collaborateur à Amandla, Aziz Fall. Bonsoir, Aziz. Bonsoir. Alors, merci d'être parmi nous ce soir. Avec plaisir. Donc, Aziz, les manifestations continuent sans relâche au Sénégal, notamment dans la capitale, à Dakar. Alors, je vous demanderais d'entrée de jeu de nous faire un bilan des derniers jours quant à la situation politique qui règne au Sénégal. Bon, écoutez, d'abord très rapidement, parce que vous savez, c'est une sorte de double ambiguïté. D'abord, celle sur les textes et la portion dite politique. Donc, ça a été une interprétation plus ou moins abusive d'une constitution très mal rédigée. Il y a deux règles qui sont énoncées dans cette constitution. L'une, c'est la fixation de la durée du mandat à 5 ans, et l'autre, c'est la limitation des mandats. Et donc, chacune des deux parties a une interprétation différente parce que la façon par laquelle c'est écrit dans deux alinéas qui seraient différents prêterait ou non à la possibilité d'une troisième possibilité donc pour le chef de l'État actuel. Donc, bref, actuellement, ce qu'on a, c'est une opposition elle-même divisée sur le fait qu'elle pense qu'elle ne peut pas aller battre, même en rang dispersé, Abdoulaye Wade s'il arrivait à ces élections qui ont lieu donc dans quelques jours, et d'autre part, en même temps, refuser de boycotter ces élections. Donc, elles se sentent absolument tiraillées. Entre-temps, la rue elle-même, qui a longtemps boudé le président, notamment dans les élections municipales, est elle aussi partagée entre ceux qui craignent le chaos advenant les divisions qui iraient en s'estompant. On a un très grand front littéralement hétéroclite d'opposants politiques, presque tous présidentiables, qui ne voient pas leur avenir en fait en termes de programme, mais davantage en termes de candidature personnelle, et qui veulent absolument avoir un combat anti-Wade pour plus leurs ambitions que l'avenir du pays. Et vous avez une population dont une frange de la société civile, principalement le jeune, un peu comme ce que vous avez fait jouer, Yanamar, donc des jeunes plus ou moins urbanisés, chômeurs ou sans emploi, dont les perspectives d'immigration sont fermées, et qui se rendent compte qu'ils ont été la génération sacrifiée, qui ont pourtant élu Abdoulaye Wade, qui n'a fait en fait que décevoir dans les dernières portions de son mandat. Donc tout ça crée un climat relativement volatile sur fond de grèves étudiantes, des professeurs, du secteur de la santé, etc. Oui, justement, parlons du mouvement étudiant. Bon, il émane particulièrement de l'université Cheikh Anta Diop à Dakar. Et est-ce qu'on peut dire que c'est un moteur important des manifestations, surtout bien, à la lumière de la mort de l'un de les collègues le 31 janvier dernier? Oui, effectivement. L'université a toujours été une zone extrêmement turbulente dans laquelle les partis politiques, mais aussi les confréries religieuses, viennent tenter de recruter. Donc c'est un lieu qui peut permettre de prendre le pouls de l'ambiance politique du pays. C'est un lieu de grande turbulence. C'est vrai que c'est là que va se jouer une portion de la, disons, riposte au système. Mais je crois que le problème est beaucoup plus profond qu'un simple problème maintenant de mouvement étudiant. Il s'agit de construire de vastes coalitions et c'est une guerre de tranchées qui a déjà commencé. L'université n'est qu'une des zones, malheureusement, des conflits, sauf que c'est la portion la plus visible de la jeunesse plus ou moins intellectualisée du pays. Donc c'est pour ça que le M23, qui est donc ce rassemblement hétéroclite d'une portion de l'opposition, cherche à y prendre davantage pied, que les gens du pouvoir aussi essayent de ramifier une partie de la contestation en faveur de la candidature d'Abdoulaye Wade. Mm-hmm. Et justement, le mouvement du 23 juin, le M23, a annoncé, bon, il y a quelques semaines, la naissance d'un printemps sénégalais. Est-ce que, justement, un printemps sénégalais est possible? Et si oui, quel devrait être le moteur de ce mouvement? Bon, un peu comme tous ces printemps qui ont eu lieu, la grande similarité qu'il y a avec l'Égypte et la Tunisie, c'est un peu la sénilité du régime, c'est-à-dire un régime vieillissant que les parrains occidentaux trouvent de plus en plus encombrant dans son incapacité à gérer la crise interne de ce qui s'est passé en Tunisie et en Égypte, ce qui n'enlève pas le mérite des sociétés de ces pays-là d'avoir pu secouer l'autocratie. Je crois qu'une bonne portion de la population sénégalaise, effectivement, est excédée de ce régime. Il est possible qu'on aille vers un printemps, dans la mesure où, si on regarde bien ce qui se passe, c'est qu'on a une classe politique qui a essayé de se reproduire, qui s'est chamaillée. Donc Idrissa Seck et Macky Sall, qui sont deux excroissances du Parti démocratique sénégalais, celui du président, ont fait défection, ont formé chacun leur parti. Tous ces trois, Ouad, Seck et Macky Sall, sont des gens qui ont touché au denier public, ce sont des gens qui se sont enrichis de façon illicite, donc ont un immense trésor de guerre pour la campagne. Ensuite viennent en phase 2 des tenants de l'ancien régime, donc principalement Ousmane Tanordien du Parti Socialiste et Moustapha Niass, dont visiblement c'est probablement la dernière partition électorale à cause de son âge, et un certain Ibrahim Fall qui a été ministre sous Abdou Diouf des Affaires étrangères, qui n'est pas affilié au Parti Socialiste, qui a été sous-secrétaire général des Nations Unies, qui semble être l'un des plus présidentiables et qui fait figure un peu de ralliement autour de la société civile. Et donc, en dehors de cela, il y a plusieurs électrons libres qui ont plus ou moins des popularités, qui sont acceptés ou non par le Conseil constitutionnel, par exemple Youssou N'Dour, dont la candidature a été invalidée, qui a été probablement mal conseillée parce qu'il lui aurait juste fallu faire authentifier par un parti politique sa candidature, ou en tout cas s'assurer d'un certain nombre de ses signatures, quoique je doute que Youssou N'Dour n'ait pas pu rallier les 10 000 signatures qu'on lui prête ne pas avoir fait. Et y a-t-il en fait qui pourrait au premier tour ou même si on passe au deuxième tour être un opposant, je dirais de taille entre guillemets contre le président actuel Abdoulaye Ouad? En toute franchise, c'est assez difficile à dire parce que si Abdoulaye Ouad se présente avec les moyens colossaux, ils ont bradé le pays. Hein. C'est des gens qui ont vendu le pays, qui se sont assurés d'une grande possibilité de manne financière, qui ont le soutien de certains marabouts. Lui, dans son cas, c'est d'autant plus grave que s'il ne se présente pas, son parti implose. L'avenir de son fils présomptif, qu'il a voulu placer sous une forme de dévolution monarchique, il faut rappeler qu'il a essayé de le faire en juin, ça n'a pas marché, donc le pouvoir avait tenté de réviser la constitution en juin, la population a vomi littéralement ce projet de loi, et donc tout cet attelage n'a presque aucune chance que de ne pas se présenter de nouveau, parce que autrement c'est un peu la fin de leur ère. Donc ils sont condamnés à aller se présenter, même si tout montre que si Ouad gagnait, le pays serait à feu et à sang, parce qu'on prêterait, même s'il avait vraiment gagné dans les faits, sa victoire serait très mal interprétée et on prêterait à des fraudes électroniques sa victoire. Donc en réalité, il ne peut passer qu'avec une coalition, donc soit le ralliement de certains de ceux qui ont fait défection, ou alors un fractionnement du front qu'il a en face de lui aujourd'hui, ce qui semble être improbable. Il faut dire que Ouad lui-même est arrivé grâce à une coalition principalement constituée de forces de la gauche, il a rapidement abandonné et qui a échoué par la suite à se cristalliser. Je dois rappeler que c'était le mouvement des Assises de la gauche, que j'ai eu l'honneur d'ailleurs de lancer avec un autre camarade, qui a échoué. Et ce qui fait que cet échec de la gauche fait qu'il est très difficile de dire qui va être le numéro 2 qui va arriver en face de Ouad, ou quelles vont être les deux personnes qui vont être vainqueurs du premier tour. Mais l'histoire montre que depuis 1993, les deux candidats qui arrivent en tête du premier tour totalisent à eux seuls à peu près 75-74% des suffrages. Ça veut dire que même s'il y a une ribambelle de candidats, au fond, il n'y a pas une grande dispersion de l'électorat, si on peut dire. Et est-ce que vous pouvez en fait continuer à nous dresser un portrait du président, hein, de qui Abdoulaye Ouadé est, et en fait c'est ça un peu de son historique. Bon, alors Abdoulaye Ouad, c'est à la fois une personnalité complexe qui appartient à l'ère senghorienne, c'est-à-dire qu'il a le complexe de l'ère senghorienne. Il faut dire que Senghor fait partie donc de ces chefs d'État qui ont eu une position ambivalente sur les confédérations africaines. Pour ceux qui ne sont pas familiers, l'Afrique est, si vous voulez, partagée entre deux groupes de leaders de cette époque, le groupe de Monrovia et le groupe de Casablanca, le groupe de Casablanca qui voulait une grande confédération panafricaine, et le groupe de Monrovia qui voulait des micronations. Donc ce chef d'État, Senghor, a été ambivalent, puis finalement on a compris qu'il voulait les micronations. Et ils ont resté dans une politique néocoloniale avec la France, sauf que Senghor a eu la chance, tout en essayant de mettre en œuvre une politique de type socialiste, mais qui était en fait capitaliste, de partir par la grande porte, de laisser sa place. Et donc ça a créé une sorte de syndrome de complexe vis-à-vis d'Abdoulaye Wade, qui a toujours voulu non seulement s'opposer à Senghor, mais en plus de faire, le jour où il arriverait au pouvoir, le même geste. Il va connaître une longue traversée de désert dans l'opposition sénégalaise. Il va perdre aux élections de façon assez ambiguë. Certains disent que le régime de Diouf, qui a hérité le régime de Senghor, a triché à ces élections. Ça va augmenter son pouvoir. Et il ne va arriver au pouvoir, en fait, que grâce à une coalition de gens qui en avaient marre de la politique de Diouf, qui n'était même pas la politique de Diouf, qui était la politique de la Banque mondiale, qui a mis sous ajustement le Sénégal. Et donc, le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire, comme bien d'autres pays, sont des pays qui ont implosé du fait de la coercition des plans d'ajustement structurel du Fonds monétaire et de la Banque mondiale, du fait de l'enrichissement illicite de la classe État. Et donc Abdoulaye Wade arrive au pouvoir avec le SOPI, qui est un mouvement de changement porté par les jeunes, par une coalition de gauche qui soutient un gouvernement libéral qui veut mettre un terme à ces 40 ans d'histoire du Parti socialiste et de la composante néocoloniale. Seuls les observateurs avertis qui connaissaient vraiment ce parti et qui connaissaient Abdoulaye Wade à ce moment savaient d'une part qu'il ne fallait pas le laisser aller sans programme, parce que très rapidement, on va s'en rendre compte, il n'avait d'autre programme que la libéralisation accrue du pays, la vente du pays à des intérêts extérieurs économiques, et surtout l'enrichissement de son sérail par un système de patron-clientèle. Et il va gérer le pays comme si c'était son patrimoine, il va être incapable de garder des gouvernements constants, il va y avoir plus de 6 remaniements ministériels, dont 2 de ses plus proches partisans, Idriss Seck, qui va être accusé d'avoir détourné l'argent des chantiers de Thiès, l'une des secondes villes du pays. Ce qu'il faut dire, c'est que Idriss Seck et Abdoulaye Wade sont liés par une sorte de pacte, lié lui-même à l'assassinat du président du Conseil constitutionnel, du vice-président du Conseil constitutionnel, à l'époque où Wade était en contention électorale avec Abdou Diouf. Maître Sey, qui a été assassiné de façon absolument ambiguë. On a fait porter l'assassinat sur l'ancien régime de Diouf, puis d'autres gens ont dit que c'était le régime de Wade. Toujours est-il que Seck et Wade savent ce qui s'est vraiment passé, et ça les lie. Plus tard, lorsque Wade va s'en débarrasser, il va accuser Seck d'avoir détourné de l'argent. Seck va faire cavalier seul. Ensuite, il va prendre un autre premier ministre en la personne de Macky Sall. Et dans tout cet attelage, il va se défaire petit à petit de toutes les forces de la gauche qui étaient venues avec lui et ne va garder que Landing Savané, du Ande Diouf, et Cheikh Tidiane Gadiou, son ministre des Affaires étrangères, qui plus tard aussi seront tous repoussés. Donc c'est un chef politique qui s'entoure et qui fait monter ses partenaires et les lâche plus tard dans le vide. Et donc c'est quelqu'un finalement qui n'a pas d'amis, ce qui finit par se retourner contre lui. C'est au niveau personnel une personne extrêmement mégalomane, imbue de sa personne, qui a un complexe de supériorité extrêmement fort et surtout qui a des liens avec l'Occident très très fort. On voit son travail de lobby, par exemple, c'est le premier chef d'État qui va être au CNT en Libye, alors que c'est le même qui était derrière Kadhafi, qui a accepté l'argent de Kadhafi pendant longtemps pour faire les États-Unis d'Afrique, l'argent qu'il va utiliser lui-même. C'est donc quelqu'un qui, en réalité, fonctionne pour sa propre personnalité, qui n'est pas enclin à avoir une démarche patriotique, qui est capable, au nom de la finance et au nom des accointances stratégiques, de s'allier avec un grand esprit pragmatique à l'Occident, qui le lui rend bien. Donc l'Occident en a fait une sorte de sage dans la sous-région, l'a amené dans plusieurs missions de bonnes offices pour régler les conflits. Et donc on l'a vu ici, au sommet de Kananaskis avec le NEPAD. Il faut rappeler que le NEPAD n'est qu'une des, qui est donc, pour ceux qui ne connaissent pas, le nouveau partenariat africain de développement, un des délires politiques de la classe politique africaine, qui a été la synthèse de certains documents, dont celui du président Wright, qui s'appelait le plan Omega, qui était une sorte de plan absolument pharaonique, fanfaron littéralement, complètement déconnecté des faits, qui a été rapidement critiqué par plusieurs experts, dont ma propre personne, au sommet Omega à Dakar. Et donc, c'est quelqu'un qui vraiment, à l'image d'ailleurs de ce monument qui a été construit sur la corniche de Dakar, une des rares réalisations du régime, la corniche, alors que le pays souffre de problèmes de faim, d'agriculture mal gérée, d'une guerre civile larvée au sud du pays, il construit un monument pharaonique sur la corniche dont l'effigie lui ressemble et dont les royalties lui appartiennent à plus de 30% parce qu'il l'aurait créé. Donc c'est un peu ce personnage assez fantasque qui a créé des liens avec la classe politique maraboutique et qui est très très bien soutenu par l'Occident jusqu'à présent, qui va peut-être le lâcher. On a vu que les chancelleries occidentales, Washington et Paris, semblent avoir considéré qu'à son âge avancé, 85 ans, c'était peut-être déconseillé de rempiler pour un troisième mandat. Mm-hmm. Et la population dans tout ça, Aziz, qui supporte Wade et qui supporte le mouvement M23? Est-ce qu'il y a des divisions au niveau, disons, rural et urbain? Bon, la population sénégalaise, c'est un phénomène, hein. C'est-à-dire moi-même, étant à moitié sénégalais, j'ai vraiment un problème existentiel à comprendre les errements de notre population. C'est parce qu'elle est liée à notre histoire coloniale, c'est-à-dire l'ère du tirailleur, le fait que pendant longtemps, c'est un pays où l'esclavage, la colonisation a divisé les strates de la société, où les systèmes de caste, la marchandisation des mœurs a changé les valeurs et les comportements des gens, où le discours progressiste d'une grande partie de la classe politique ne se traduit pas dans la réalité concrète. Donc c'est difficile de dire, même dans les gens qui vous soutiennent, qui vous soutient vraiment. Donc il y a des gens qui sont là, qui font beaucoup de bruit derrière le M23, qui font beaucoup de bruit derrière WAD, et qui monnaient en fait leurs services, qui sont intéressés aux retombées politiciennes de leur allégeance. Donc c'est très très difficile de savoir exactement à quel sens vous voyez. Ça, je pense, c'est un problème d'aliénation culturelle. Le Sénégal, c'est le prototype, je pense, de ce que Fanon a étudié. C'est qu'il y a des séquelles du néocolonialisme qui sont là. Donc vivement un printemps, vivement, c'est triste à dire, ça va peut-être prendre un bain de sang, catharsis, un peu comme ce qu'il y a en Tunisie. Mais j'ai l'impression qu'une bonne partie de la jeunesse qui a perdu ses repères, qui ne comprend plus ce que je viens d'expliquer, mais qui a une grande capacité d'indignation, qui n'a pas de projet de société, est à la recherche de sens, de leaders, de gens pour pouvoir les faire. Et j'avoue que si c'était donné à notre classe politique de prendre le pouvoir, ben il va falloir faire un ménage un peu à la Sankara dans ce pays. Et donc les gens qui vont prendre le pouvoir et qui n'appartiennent ni au M23 ni à WAD et qui voudraient nettoyer, ben ils risquent leur vie à le faire parce que, comme je dis, c'est des circonstances historiques lointaines, profondes, qui sont encore là dans ce pays. C'est un pays qui a une immense intelligentsia, très souvent en diaspora, un pays qui a une grande diplomatie internationale, autant dans la sous-région. Et donc, il y a au moins potentiellement 3-4 gouvernements possibles qui peuvent gérer le Sénégal aujourd'hui. Et j'espère qu'il y aura une coalition hétéroclite, désintéressés, principalement de femmes et de gens du Sud un jour, pour pouvoir s'occuper des affaires de ce petit pays. Mais comme je dis, oui. Pour moi, j'ai une approche panafricaine, donc ce n'est qu'un des maillons. L'avenir est dans le panafricanisme et non pas dans ces micronations. Et en une minute, Aziz, à quoi peut-on s'attendre pour les prochains jours, les prochaines semaines? Il y a différents scénarios. Il y a les scénarios de chaos, c'est-à-dire que si la tendance se maintient, on va vers une montée de tension avec l'échéance électorale, ceux qui veulent pas de sa candidature, ou alors une sorte d'apaisement, parce qu'effectivement le Sénégal est un pays aussi qui a la capacité de régler institutionnellement ses problèmes. Mais comme je le dis, l'issue du scrutin, si elle donne Wade gagnant, risque effectivement de provoquer une immense turbulence dans tout le pays. Alors, merci beaucoup, Aziz, pour cette entrevue. C'est tout le temps qui nous est imparti, mais je suis certaine que nous allons, sans contredit, faire appel à vous dans les prochaines semaines pour continuer à nous informer de la situation. Avec plaisir. Merci encore. Merci.